Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, microphone de Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant du côté des Saguenay de Chicoutimi. La série est maintenant égale 1-1 contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Samedi soir à Rouyn, les Saguenay ont créé des étés. Ils ont remporté une victoire de 5-2 contre les Huskies. Zachary Lavigne a dirigé l'attaque des Sags avec une production de 2 buts. Il y a Dimitri Zukanov qui a marqué un but et une passe. Joey Ratel, un but et une passe. Et Mike Browney qui a marqué un but. Également à noter que 2 passes pour Olivier Galipeau dans ce match. Et vendredi soir, les Huskies ont pris de l'avance 1-0 dans la série contre les Sags en l'emportant 6-2. Dimitri Zukanov et Jérémy Golo avaient marqué les buts pour les Sags. Parlons des Marquis de Jonquin maintenant. Les Marquis mènent la série 2-0 contre Saint-Georges-de-Beauce. Les Marquis qui l'ont emporté 4-0 samedi soir à Saint-Georges-de-Beauce. Dans le match, on a noté que Stéphane Chapuis a marqué 2 buts. Hugo Carpentier et Jérémy Malouin ont marqué les buts. Et 2 passes pour Alexandre Quesnel. Et vendredi, les Marquis avaient pris l'avance 1-0 contre Saint-Georges-de-Beauce au Palais des Sports. Les Marquis qui l'avaient emporté 5-2. Alexandre Quesnel, Francis Trudel avaient marqué un but de passe chacun. Hugo Carpentier, Jonathan Pellement et Yulav Kolnick avaient complété le pointage. La série est menée par les Marquis 2-0 et va se poursuivre vendredi soir à Jonquière. Parlons maintenant de Samuel Girard. Il a disputé ses 3 premiers matchs professionnels en fin de semaine avec les Admirals de Milwaukee, filiale des Prédateurs de Nashville. Hier, les Admirals ont perdu 3-2 contre l'équipe de l'Iowa. Girard a été blanchi et a tenu une fiche de moins 1. Et samedi, autre défaite, cette fois contre Rockford, 4-2. Encore une fois, Samuel Girard a été blanchi. Il a obtenu une fiche de moins 2. Et vendredi, défaite de 1-0 contre Cleveland. Ligue Midget Régionale maintenant. Le Marcos Pub de Saint-Félicien a remporté les grands honneurs en 5 matchs. Ils ont défait les Marquis de Jonquière 4-3. Et ils ont accédé à la Coupe Dodge. Du côté du Bantam Régional, les Rapides de Dolbeau-Mistassini se sont inclinés en 4 matchs contre les Saguenay de Chicoutimi. Les Rapides se sont inclinés encore une fois 3-2 contre les Sags. Et maintenant, en fin de semaine, c'était également la compétition de la 25e édition de la Jaco. On parle évidemment d'une compétition de course à pied. À noter qu'au niveau féminin, Marie-Claude Brassard de Saint-Jean-d'Arc a terminé avec une fiche avec un temps de 40 minutes et 14 secondes. Il y a Véronique Goulet de Dolbeau-Mistassini qui a pris le troisième rang avec un temps de 42 minutes et 25 secondes. Maintenant, à noter, aux 3 km, Étienne Saint-Pierre, qui est le garçon de Marie-Claude Brassard, a terminé avec un temps de 11 minutes et 14 secondes. Et dans les autres temps, à noter également que du côté du marche 5 km, Sylvie Gagnon de Chicoutimi a pris la première position avec un temps de 38 minutes et 33 secondes. Le sport local et régional, à donnerandosport.com. On s'en occupe.